4 septembre 70, 9h du soir. Nous sommes à République depuis 6h. On a ouvert aux détenus les portes de Pélagie et les prisonniers d'hier descendent les boulevards, la boutonnière fleurie de rouge, l'écrivain de La Lanterne en tête. 5 septembre. Nous sommes devant l'hôtel de ville, où chacun est venu d'instinct, sans que ce soit rien dit. Des confrères en journalisme, des copains de métier passent. Il me jette un regard de pitié, m'adresse un salut de riche à pauvre, de chien repu à chien pelé, et je vois lire dans leurs yeux toute la joie de me retrouver affamé et en compagnie de mal vêtus. Sommes-nous encore perdus, bafoués, invisiblement garrottés, dès le lendemain de la République proclamée, nous qui, par nos adages de plumes et de paroles, au péril de la dèche et de la prison, avons mâché le triomphe aux bourgeois qui siègent derrière ces murailles et qui vont, viennent, joue les mouches du coche sur le char que nous avons tiré de l'ornière et désembourbé. 6 septembre, je rencontre un privé Blanqui. Au moment où j'arrive, il tient un crayon à la main et s'occupe à rédiger une proclamation qu'il me lit. J'ai une plume et ajouté « Il faut dès aujourd'hui sonner le tocsin ». Blanqui a la main nette et le regard clair. Il ressemble à un éduqueur de môme, ce fouetteur d'océans humains. Ses phrases sont comme des épées fichées dans la terre qui frémissent et vibrent sur leurs tiges d'acier. C'est lui qui a dit « Qui a du fer a du pain ». Il laisse, d'une voix sereine, tomber des mots qui tranchent et qui font sillon de lumière dans le cerveau des faubouriens et sillon rouge dans la chair bourgeoise. La puissance révolutionnaire est dans la main des frêles et des simples. Le peuple les aime comme des femmes. 5h. Cet après-midi, le peuple a tenu ses assises au jeu de pommes, place de la Corderie. Voici le nouveau Parlement. C'est la Révolution qui est assise sur ses bancs, debout contre ses murs, accoudée à cette tribune. La Révolution en habit d'ouvrier. C'est ici que l'Association internationale des travailleurs tient ses séances et que la Fédération des corporations ouvrières donne ses rendez-vous. C'est le travail en manches de chemise, simple et fort, avec des bras de forgeron. Le travail qui fait reluire ses outils dans l'ombre et crie « On ne me tue pas, moi, on ne me tue pas, et je vais parler. » Et il a parlé. Et d'un débat qui a duré 4 heures, vient de surgir une force neuve, le comité des 20 arrondissements. Chaque arrondissement est représenté par 4 délégués que vient de nommer l'Assemblée, et je suis un des élus qui auront à défendre contre l'hôtel de ville les droits d'un faubourg de là-haut. Ce sont 24 pauvres, descendus de 80 taudis, qui vont parler, réagir, frapper s'il le faut, au nom de toutes les rues de Paris, solidaires, dans la misère et pour la lutte. 7h, nous sommes montés à Belleville, au pas de charge. Nous allons organiser un club. On a constitué le bureau. Oudé, qui est du voisinage, préside. En 4 mots, il remercie l'auditoire et me donne la parole pour expliquer pourquoi nous sommes venus et au nom de qui nous parlons. Enlevez la salle. J'ai dit ce qu'il fallait dire, il paraît. Et l'Assemblée acclame le programme de la commune, ébauché dans la fiche de la Corderie. Alors que Jacques est à la tête d'un groupe et sur le point de prendre l'hôtel de ville, l'attention des conjurés est détournée par 2 officiers de la garde nationale. Au rempart, l'ennemi vient de percer les lignes, les bastions sont pris. Personne ne pense plus à la conjuration. Ou si quelques-uns y pensent encore, ils sentent bien que cette manœuvre les tue. Et voilà comment, un soir de la semaine dernière, l'hôtel de ville a échappé à quelques commandants résolus qui voulaient s'en emparer. Mais, patience, ils n'auront rien perdu pour attendre.